Un homme aux yeux souriants, maquillé d'un regard usé, la gorge asséchée par ses phrases névrosées. Il déambulait dans les ruelles des bas quartiers avec son perroquet qui un jour l'a quitté. Le visage tendu au ciel, il cherche désespérément son oiseau s'étant jeté dans les bras qu'il a fauchés. Moi je crois cet homme qui dit avoir perdu la tête quand les caveaux ont emporté l'oiseau qu'il a épousé. Le soir de la Saint-Jean, ce vieillard est venu me voir. Il m'a dit que le monde est plat, que la terre ne tourne pas rond, que le ciel doucement est prêt à s'évanouir sous le sourire des jolies filles depuis que son perroquet s'en est allé. Moi je crois cet homme qui dit avoir essayé la mort, mais elle ne veut pas de lui. Eh bien tant pis, il tente la vie. Il m'a raconté, il y a un mois peut-être, le jour se levait par erreur et le facteur a oublié de faxer ses idées à la mort qu'il achetait, à ce marchand ambulant vendant l'âme à ses clients. Étrange coïncidence ou concours de circonstances, l'homme se retrouvait muet, la gueule écrasée par un chauffeur la tête cognée sur un comptoir de Belfort, fort dans l'âme et puis au plancher, il s'est barré. Moi je crois cet homme qui dit avoir essayé la mort, mais elle ne veut pas de lui. Eh bien tant pis, il tente la vie. En repensant à cet homme, j'ai croisé une vieille dame. Elle avait l'air désespérée. J'ai donc acheté son perroquet. Ce stupide animal s'est posé sur mon épaule. Il m'a demandé en fiançailles et nous avons juré, mais un jour il eut un orage. Mon perroquet s'y est jeté. J'ai brûlé une dernière cigarette. Et ça y est, je vais perdre la tête. Moi je crois cet homme qui dit avoir essayé la mort, mais elle ne veut pas de lui. Eh bien tant pis, il tente la vie.